Conversation. Chacun pour soi. Moi, je ne trouve pas du tout que l'avarice soit un défaut. Moi non plus. C'est même une qualité. Chacun travaille pour soi et je ne vois pas pourquoi je sèmerais aux quatre vents le fruit de mes efforts. C'est une question de survie. Exactement. Il n'y a aucune raison pour que les autres profitent de ta sueur. Et puis, si les gens ne veulent pas faire d'économies parce que ça leur coûte trop, alors qu'ils ne viennent pas se plaindre et surtout qu'ils ne viennent pas te réclamer de l'argent ou te faire payer au restaurant. Chacun pour soi. Exactement. Tu n'entends pas? Quoi? Il y a quelqu'un qui est en train de crier. Regarde, il y a une femme qui est en train de se noyer. Se noyer, c'est vite dit. Tout le monde sait nager de nos jours. La mer est calme, elle est à 2 mètres du bord. Faut pas exagérer quand même. Et puis nous, on vient de terminer une journée de travail, on est fatigué, on n'a pas l'intention de gaspiller notre argent et on n'a pas l'intention de gaspiller nos efforts non plus, pas vrai? Parfaitement. La santé, c'est important. Elle ne devrait pas crier comme ça. Elle va s'user les cordes vocales. En tout cas, elle est en train d'user nos oreilles. Allez, on s'en va. Courage, madame! Encore quelques mouvements et vous touchez la jetée. Moi, je ne trouve pas du tout que l'avarice soit un défaut. Moi non plus. C'est même une qualité. Chacun travaille pour soi et je ne vois pas pourquoi je sèmerais aux quatre vents le fruit de mes efforts. C'est une question de survie. Exactement. Il n'y a aucune raison pour que les autres profitent de ta sueur. Et puis, si les gens ne veulent pas faire d'économies parce que ça leur coûte trop, alors qu'ils ne viennent pas se plaindre. Et surtout qu'ils ne viennent pas te réclamer de l'argent ou te faire payer au restaurant. Chacun pour soi. Exactement. Tu n'entends pas? Quoi? Il y a quelqu'un qui est en train de crier. Regarde, il y a une femme qui est en train de se noyer. Se noyer, c'est vite dit. Tout le monde sait nager de nos jours. La mer est calme et elle est à 2 mètres du bord. Faut pas exagérer quand même. Et puis nous, on vient de terminer une journée de travail. On est fatigué, on n'a pas l'intention de gaspiller notre argent et on n'a pas l'intention de gaspiller nos efforts non plus, pas vrai? Parfaitement. La santé, c'est important. Elle ne devrait pas crier comme ça. Elle va s'user les cordes vocales. En tout cas, elle est en train d'user nos oreilles. Allez, on s'en va. Courage, madame. Encore quelques mouvements et vous touchez la jetée. Ils sont envieux. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a maintenant qui ne va pas? Tu vas encore dire que je ne suis jamais content. Mais vraiment, je ne supporte plus nos voisins. Les Durand? Les Durand, oui. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait encore? Rien. Mais ils font tout ce qu'ils peuvent pour avoir quelque chose de plus beau, de plus grand, de plus coûteux ou de plus original que nous. Rappelle-toi leur dernière voiture. C'était une Renault, comme la nôtre. Mais le modèle au-dessus. On a changé de voiture, ils viennent de changer la leur. Et devine, même marque, même couleur, mais le modèle au-dessus. Et ça te dérange? Ce n'est pas leur voiture qui m'ennuie, c'est leur mentalité. Laisse tomber, ils sont envieux, c'est tout. La même chose pour Madame Durand. Tu achètes une veste ou une robe chez Dior ou Chanel, et elle, le lendemain, elle en a deux. Et alors? Ça m'irrite. Et comme si ça ne suffisait pas, il faut en plus que le destin s'en mêle. Le destin? Je suis petit et tu es grande. Monsieur Durand mesure presque 2 mètres et sa femme 1,50 m, tout au plus. Mais alors, c'est toi qui les envies? Toi? Elle te plaît, Madame Durand, c'est ça? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis simplement en train de dire que si j'étais plus grand ou toi plus petite, ce serait peut-être mieux. C'est ça! Si tu es sincère, alors c'est toi qui aurais voulu la femme de Monsieur Durand. Et donc c'est toi l'envieux. Et si tu es en train de mentir, alors tu es amoureux de Madame Durand et tu n'es qu'une ordure. Dans un cas comme dans l'autre, tu es odieux. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a maintenant qui ne va pas? Tu vas encore dire que je ne suis jamais content. Mais vraiment, je ne supporte plus nos voisins. Les Durand?

Je ne peux pas. Il faut que j'aille chez le médecin. J'ai rendez-vous à 3 heures. Je suis très heureux que vous vouliez m'accompagner à Paris. À quelle heure partons-nous? Il y aura beaucoup de circulation sur la route. Il faudrait que nous partions assez tôt. C'est le cadeau que tu veux faire à Jean pour son anniversaire? Oui, pourquoi? Je doute qu'il apprécie. On n'offre pas une boîte de chocolat aussi énorme à quelqu'un qui vient de commencer un régime. Je suis très content que tu aimes la montagne. Nous pourrons faire de magnifiques promenades ensemble. Il faut que je finisse cette toile avant 5 heures. Pourquoi? J'ai rendez-vous avec un client ce soir et il est possible qu'il soit intéressé par ce travail. Il adore les natures mortes. Dépêchez-vous de faire vos valises. Il faut que vous soyez à la gare à 6 heures. Il faut absolument que je voie Alain. Je ne veux plus qu'il m'offre des fleurs tous les jours. Il va finir par se ruiner. Il faut que vous vous couvriez bien avant de sortir. Il fait très froid ce soir. Qu'il ouvre la fenêtre s'il a trop chaud. Nous voulons que vous découvriez l'auteur de ce crime le plus tôt possible. Au travail. Donnez-lui cette aspirine. Il ne faut pas qu'elle souffre pour rien. Prise de parole. Il faut que j'aille à Rome. Voici quelques verbes irréguliers au subjonctif. Vous allez donc écouter avec attention les phrases suivantes et vous les répéterez. Que tu puisses faire un voyage aussi long tout seul à ton âge, je ne discute pas. Je trouve simplement que c'est un peu dangereux, c'est tout. Que tu veuilles te marier, c'est normal. Mais à mon avis, tu es encore bien jeune pour prendre une décision aussi importante. Il faut que j'aille à Rome la semaine prochaine. Tu m'accompagnes? À Rome? C'est magnifique! Je doute qu'elle puisse répondre à votre invitation. Elle ne se sent pas très bien ces temps-ci. Dommage, c'est une personne que j'apprécie beaucoup. J'espère que ce n'est pas grave. Il faut absolument que tu ailles voir le dernier film de Godard. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Que tu n'aies plus envie de skier après l'accident que tu as eu l'année dernière, c'est normal. Mais la montagne, ce n'est pas simplement le ski. Il y a des promenades magnifiques à faire. Je ne veux pas que tu ailles toute seule en vacances. Il peut t'arriver n'importe quoi. Et puis le Brésil, c'est trop loin. Maman... Non. J'ai dit non. Je doute que vous puissiez terminer ce travail aujourd'hui. Pourquoi? J'ai encore toute l'après-midi devant moi. Oui, mais il va y avoir une coupure de courant dans un quart d'heure et nous resterons sans électricité jusqu'à 5 heures. Et vous, vous avez besoin de votre ordinateur, si j'ai bien compris. Prise de parole. À moins que tu veuilles. Voici maintenant quelques phrases où l'emploi du subjonctif est obligatoire. Qu'il aille chez lui si mes amis ne lui plaisent pas. Que personne ne bouge. Et donnez-moi tout l'argent de la caisse. Voici la chambre que vous avez réservée pour vos vacances. Et que votre séjour chez nous soit agréable. Demain, j'ai un discours très important à prononcer. Et je sais déjà qu'il y aura dans la salle des membres de l'opposition. Qu'ils osent et tu verras. Je saurai les faire taire, moi. Je ne veux pas que vous partiez sans avoir vu mes enfants. Ils devraient arriver d'une minute à l'autre. Je crains qu'il s'ennuie tout seul dans cette grande maison. Denis ne s'ennuie jamais, tu le sais bien. Et je suis sûre que sa nouvelle maison sera toujours pleine d'amis. Je suis heureuse que tu ailles en Angleterre, mais je t'en prie, fais bien attention à tout ce que tu manges. Je viens d'avoir une augmentation. J'ai rencontré une femme extraordinaire et tous mes maux de tête ont disparu, pourvu que ça dure. Téléphone à Pierre de façon à ce qu'il ne soit pas surpris de ton arrivée et fais en sorte qu'il soit content de ta visite. Tu as compris? Si tu veux, je t'accompagnerai moi-même à la gare demain. À moins que tu veuilles prendre un taxi. Voici maintenant quelques phrases où le subjonctif peut être remplacé par l'indicatif ou l'infinitif. Tout ce qu'on lit sur les journaux, dites-moi, croyez-vous que ce soit vrai? On dit que Marc a fait faillite. Croyez-vous que c'est vrai? Je lui dis qu'il soit exact au rendez-vous. Avec lui, on ne sait jamais. Pourquoi devrais-je lui dire d'être exact au rendez-vous? Je vous dis qu'il est toujours exact. Vous désirez qu'il le fasse? Alors il le fera. Vous désirez venir avec nous? Alors venez. Prise de parole. Votre devoir est de travailler. Voici quelques phrases sur l'emploi de l'infinitif. On dit souvent que partir, c'est mourir un peu. Moi, j'en suis convaincue. Tu fais trop de promesses aux enfants. Promettre est facile, tenir est difficile. Je sais, j'aurais dû lui dire tout ce que je pensais de lui. J'étais retenue par la crainte de le vexer. Votre devoir est de travailler, le mien de vous faire travailler. J'ai l'intention de licencier cet ouvrier, mais c'est une chose délicate à dire en public. Ah, si je ne me retenais pas! Mais à manger trop de gâteaux, je deviendrai vite obèse. Avez-vous pensé à finir votre travail avant la coupure de courant? Je ferai tout ce que je peux pour te rendre heureuse. Tu dois me croire. C'est la vérité. C'est pour avoir mangé trop de gâteaux que tu as été malade toute la nuit, et tu le sais très bien. Tu es resté 3 jours à Paris sans venir me saluer. Ne me dis pas que tu avais perdu mon adresse ou mon numéro de téléphone. Je ne te crois pas. Allons, il ne faut pas se décourager avant d'avoir essayé. Il était généreux au point de me donner tout ce qu'il possédait. Tu te rends compte? À force de travailler, tu finiras par tomber malade, toi. J'ai tout le linge à repasser. Tu veux bien m'aider? Prise de parole. Je t'en prie, dis-le-moi. Vous allez écouter et répéter maintenant les phrases suivantes. Tu nous lis ton dernier conte? Je vous le lis à condition que vous me disiez s'il vous plaît ou pas. Pourquoi n'invites-tu pas Claude à ta fête? Je ne l'invite pas parce que ce mois-ci, il est en voyage d'affaires à Tokyo. Comment pourrait-il venir? Je ne sais plus que faire. Si j'envoie cette lettre à Marie, si je la lui envoie, elle va la faire lire à tout le monde. Et si je ne la lui envoie pas, elle dira partout que j'ai oublié la date de son anniversaire. Alors, il le lui a finalement envoyé, son cadeau d'anniversaire? Non, il ne le lui a pas envoyé, il a changé d'avis. C'est son affaire. Ton père t'a laissé manger le gâteau tout entier? Tu vas être malade, tu verras. Non, il ne me l'a pas laissé manger tout entier. Demande-le lui. Pierre, le gâteau, tu le lui as laissé manger tout entier? Non, je ne le lui ai pas laissé manger tout entier. Nous l'avons partagé. Tu as un secret, c'est vrai? Oh, dis-moi ce secret, je t'en prie. Dis-le-moi. Si tu as un secret, ne le lui dis pas, sinon dans 2 jours... Tout le village sera au courant. Être soi-même, d'accord. Je te l'ai souvent dit moi-même. Mais ne penser qu'à soi et n'aimer que soi, c'est autre chose. Si tu penses nous accompagner, il suffit de me le dire demain. Il vaut mieux que je prenne les billets un peu à l'avance, mais il n'est pas nécessaire que j'y aille tout de suite. Avoir confiance en soi, c'est bien. Mais vraiment, Jean exagère. Il est trop sûr de lui. Prise de parole. Achètement. Voici maintenant quelques phrases sur les pronoms « i » et « en ». J'en ai assez. Tu me parles de la pollution atmosphérique tous les jours. Tu m'en parles le matin, tu m'en parles l'après-midi et tu m'en parles le soir. Je t'en prie, laisse-moi tranquille avec ça, ne m'en parle plus. Charles m'a envoyé une lettre des États-Unis. Mais il ne me parle pas de son retour. Non, il ne m'en parle pas du tout. Pourquoi? Il t'en a parlé au téléphone? Il ne m'en a pas parlé. C'est à Paul qu'il en a parlé. C'est lui qui me l'a dit ce matin. Tu vas faire des courses? Achète-moi du pain. Achète-m'en, s'il te plaît. N'oublie pas. Si on te propose des pommes à bon marché, ne m'en achète pas. Non, personne n'en mange à la maison. Toutes les mères conduisent leur enfant à l'école. Mais toi, tu n'y conduis pas le tien? Je ne l'y conduis pas parce que son père l'y a déjà conduit. Il l'y conduit tous les jours. C'est une vieille habitude. Mon fils? Au cinéma? Non, je ne l'y ai pas emmené. Il avait rendez-vous chez le médecin. Jean va à Paris, au mois d'août. Mais il n'y a que des touristes à cette époque. Et il y fait très chaud. Non, suis mon conseil, ne l'y accompagne pas. Conversation. Moi, je hurle. Tu vois ce que je vois? Quoi? Où? Regarde! Regarde dehors! Oh mon Dieu! Le taureau s'est échappé, pourvu qu'il n'entre pas. Il regarde dans notre direction et il n'a pas l'air de bonne humeur. Qu'est-ce qu'on fait? On continue à nettoyer les tables. Il ne faut surtout pas qu'on ait l'air d'avoir peur ou qu'on ait l'air de le provoquer. Il faut qu'on l'ignore. Ignorer un taureau en colère qui se trouve à quelques mètres de nous? C'est impossible! Je ne peux pas! Je sens que je vais me mettre à hurler. Non! Si! Il faut absolument que tu te retiennes. Pense à autre chose. À quoi? Je ne sais pas, moi. À ce que tu veux. Mais si tu ne m'aimes pas, moi, je hurle. Pense au dernier film que tu as vu. Non. Pourquoi non? C'était un film d'horreur. Pense alors à tes dernières vacances. Le safari photo au Kenya, avec les lions qui couraient derrière la Jeep, et moi qui avais oublié de faire le plein d'essence. Pense aux prochaines élections. La politique, c'est pas mieux. Pense alors aux fraises. Les fraises, tu les adores, n'est-ce pas? Je les adorais, oui. Jusqu'à la crise d'urticaire, il y a une semaine. Bon. Alors maintenant, tu vas penser au taureau, à cet horrible taureau qui te fixe, là-dehors. On continue à nettoyer les tables. Et si tu te mets à hurler, si tu te mets à pleurer, ou si tu ajoutes quelque chose d'autre, je te laisse là, toute seule, et tu te débrouilles. Tu vois ce que je vois? Quoi? Où? Regarde, regarde dehors. Oh mon Dieu, le taureau s'est échappé, pourvu qu'il n'entre pas. Il regarde dans notre direction et il n'a pas l'air de bonne humeur. Qu'est-ce qu'on fait? On continue à nettoyer les tables. Il ne faut surtout pas qu'on ait l'air d'avoir peur ou qu'on ait l'air de le provoquer. Il faut qu'on l'ignore. Ignorer un taureau en colère qui se trouve à quelques mètres de nous? C'est impossible! Je ne peux pas. Je sens que je vais me mettre à hurler. Non. Si. Il faut absolument que tu te retiennes. Pense à autre chose. À quoi? Je ne sais pas, moi. À ce que tu veux. Si tu ne m'aides pas, moi, je hurle. Pense au dernier film que tu as vu. Non. Pourquoi non? C'était un film d'horreur. Pense alors à tes dernières vacances. Le safari photo au Kenya, avec les lions qui couraient derrière la Jeep, et moi qui avais oublié de faire le plein d'essence. Pense aux prochaines élections. La politique, c'est pas mieux. Pense alors aux fraises. Les fraises, tu les adores, n'est-ce pas? Je les adorais, oui. Jusqu'à ma crise d'urticaire, il y a une semaine. Bon, alors maintenant, tu vas penser au taureau, à cet horrible taureau qui te fixe, là-dehors. On continue à nettoyer les tables, et si tu te mets à hurler, si tu te mets à pleurer, ou si tu ajoutes quelque chose d'autre, je te laisse là, toute seule, et tu te débrouilles. Même en chinois. Peut-être qu'un jour, nous serons nous aussi sur la scène. Peut-être que notre groupe aura autant de succès un jour. Un jour, nous serons aussi célèbres qu'eux.